Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins. Des bords de la Volga au delta du Niémen, le temps s'est écoulé, il a passé pour rien. Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé, quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto blindé. Toi, Vladimir Ilitch, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne ou qu'on envoie mourir aux confins du pays? Toi, Vladimir Ilitch, au soleil d'outre-tombe, combien d'années faut-il pour gagner 4 sous? Dans quelle nuit, au fond de quel brouillard, rien n'a changé. Les damnés de la terre n'ont pas trouvé la sortie de l'enfer. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber de haut dans ton éternité devant tous ces vieillards en superbe uniforme et ces maisons du peuple dans des quartiers privés. Toi, Vladimir Ilitch, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur de Moscou.